Section 3. De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 5. Deux jeunes filles. C'était une chambre d'assez grande étendue, très haute d'étage, et dont le plafond en bois de chêne sculpté absorbait les rayons de la lampe. Une tapisserie à personnages mythologiques de grandeur plus que naturelle couvrait les murailles à partir du lambris qui avait 6 pieds de haut. Au centre du plafond, une tasse de bois de cèdre contenait l'huile douce qui attire et fait périr les insectes. 3 chaînettes de fer la soutenaient. Il y avait 2 lits à colonnes, carrés tous deux énormes et juchés sur leurs estrades, entourés de galeries. À la tête de chaque lit, une tablette sculptée supportait le gobelet d'argent et la fiasque au long col, pleine de vin saturé d'hysope et de marjolaine. Le sire du Déron savait exercer l'hospitalité. 4 fenêtres, situées en face les unes des autres, s'ouvraient, 2 sur le pont de Quénon, 2 sur la cour intérieure. Elles avaient de petits carreaux verdâtres, losangés de plomb. Au-devant de chacune d'elles, 2 rideaux de serge violette se croisaient. Les courtines des lits, les lambrequins et les rideaux étaient également de couleur violette. Une broderie aux petits points, sur fond noir, aux nuances ternes et passées, recouvrait les immenses fauteuils dont les dossiers étroits égratignaient les lambris. Sur la cheminée, qui certes était plus grande qu'une de nos chambres à coucher modernes, un petit miroir de Venise, biseauté en dedans du cadre et chargé d'ornements lourds, s'inclinait pour présenter sa face polie aux hôtes de ce réduit. S'il eût été perpendiculaire au sol, sa glace n'eût reflété que les dieux roides et nus de la tapisserie. Bien qu'on fût au cœur de l'été, un feu de souche brûlait dans l'âtre et combattait un peu la mortelle tristesse qui s'exhalait de ces vieilles murailles habillées de laine humide. Dame Joseph de la Croix-Mauduit eût été là parfaitement logée avec son antique suivante, son faucon sénile et ses roquets décrépits. C'était vraiment une chambre de dignité première. Sentant comme il faut le renfermer, froide, fière, revêche, où le moindre éclat de rire eût étonné l'écho, vierge de toute gaieté. Mesdame Joseph, avec sa suite, sauf l'écuyer octogénaire, habitait le réduit voisin. On avait mis dans cette pièce en deuil nos 2 jeunes filles, Berthe et Jeannine. La lampe, placée sur un guéridon bruni par le temps, épandait en vain ses lueurs. Partout les rayons se noyaient, les moulures du plafond disparaissaient dans la nuit, les personnages mythologiques se perdaient dans le feuillage noir, et seuls, derrière les rideaux, les petits carreaux entourés de plomb renvoyaient çà et là quelques étincelles capricieuses. Le bois vert gémissait, le lambris craquait, le vent jouait avec le tuyau de la cheminée comme si c'eût été une flûte gigantesque, ne possédant qu'une note qui était une plainte. Au dehors, l'averse fouettait contre les châssis, et quand le vent se taisait à de rares intervalles, le cri perçant des grillons ressortait sur le fracas sourd et lointain de la mer. Berthe était assise dans un fauteuil au coin du foyer. Jeannine se tenait sur un tabouret à ses pieds. Elles étaient toutes 2 pâles, mais leur pâleur ne se ressemblait point. Pâleur de fièvre pour Berthe, pâleur tachée de marques rouges. Pour Jeannine, pâleur de lente souffrance. Il était tard. C'était l'heure où Jeannin le bon écuyer et son ami fier à bras cherchaient un abri sous le pont. Déjà plus d'une fois, Dame Joseph de la Croix-Mauduit avait élevé la voix pour dire à travers la cloison « Ma nièce, veuillez vous mettre au lit, je vous prie. Oraison trop longue ne vaut si ce n'est aux veilles des fêtes cardinales. L'heure est indue. Chaque chose a son temps. Le Créateur fit la nuit pour le repos et le défaut de sommeil creuse les yeux des jeunes filles. » C'était là de profondes vérités. Berthe répondait « Je vous obéis, madame, ma chère tante. » Mais elle restait dans son grand fauteuil. Quand son regard se tournait vers les lits, tout sombres, derrière leurs draperies austères, elle avait le frisson. « Penses-tu qu'il a dit vrai, toi, Jeannine ? » demanda-t-elle, en caressant avec distraction les cheveux bruns de sa compagne. « N'est-ce point plutôt une histoire inventée à plaisir ? Cette ville des lions qui est si près de nous et qu'un voile épais nous cache au milieu des solitudes de la mer, ces palais invisibles ? Ces femmes jeunes et si belles, prêtresses d'un culte inconnu, crois-tu cela, toi, Jeannine ? Oui, je le crois, répliqua la fillette, et je demande au ciel, pour moi et pour ceux que j'aime, de n'en savoir jamais plus long. Qui est ton promis ? Reprit Berthe en souriant. Et comme Jeannine tardait à répondre, elle lui baisa le front en ajoutant « Dis-moi cela, je te promets le secret. » Jeannine garda le silence. Berthe fit une petite moue. « Au manoir du Rose, dit-elle, n'y a-t-il point quelque jeune homme d'armes ?»« Non, répondit Jeannine. » « Aux alentours, quelques bacheliers, ajouta Berthe. Non plus que je sache. » « J'oubliais, fit l'héritière de Morvert, en prenant un air grave, à moins de faire mentir le Saint-Ermite du Mondol, tu ne peux aimer qu'un gentilhomme. » Jeannine releva sur elle ses yeux pleins de larmes et dit « Me viendrez-vous voir quelquefois, chère demoiselle, quand je serai circonverse au couvent de Châteauneuf ?»« Pourquoi parles-tu ainsi, ma fille ? » s'écria Berthe. « Et pourquoi pleures-tu ? » « Ma nièce, veuillez vous mettre au lit, je vous prie, » répéta la douairière de la Croix-Mauduit. « Je vous entends causer avec la jeune vassale de notre cousine et respectée voisine, Madame Reine de Kergariou, Dame du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves. Un entretien honnête ne me sied point, mais il faut se tenir en toutes choses dans les limites raisonnables. En nous privant durant les heures nocturnes de la lumière du soleil, le Créateur manifesta clairement sa volonté, qui est que nous dormions et reposions sous sa garde depuis le soir jusqu'au matin. Je vous obéis, madame ma chère tante, ayez bon sommeil. » Le beffroi plaintif de la ville de Pontorson sonna les 12 coups de minuit. « Madame ma tante a raison, reprit Berthe, sans quitter son siège. Couchons-nous, ma fille, il est tard. » « S'il vous plaît, répondit Jeannine, dont les larmes s'étaient séchées pendant le sage discours de la vieille dame, je vous servirai de chambrière. Attendons encore, mes pieds sont froids, que ces lits sont grands et tristes, ma fille. Lequel a le plus noble visage, à ton sens, de messire Aubry ou de messire Olivier ? Messire Olivier, répondit Jeannine en mentant à son cœur. Elle croyait bien que Berthe allait protester avec colère, mais Berthe ne protesta point. « C'est mal, peut-être, murmura-t-elle, de parler si longtemps de semblables choses. Ce front brun et pâle du baron d'Armois, cet œil noir qui a l'éclat du diamant, cette soyeuse chevelure dont les anneaux se balancent, humides et chargés de parfums, peut-il exister des femmes assez téméraires pour donner leur pensée à la beauté d'un inconnu ?» Le regard de Jeannine glissa entre ses longs cils et vint effleurer le visage pensif de Berthe. Berthe se leva. « Dénoue les cordons de mon corsage, » dit-elle, « nous causerions là jusqu'à demain. Il te regardait sans cesse pendant qu'il parlait. »« C'était vous qu'il regardait, chère demoiselle, » répliqua Jeannine. « Détache la grappe de ma ceinture. Était-ce moi qu'il regardait ? Une nuit, il y a déjà longtemps de cela, j'ai rêvé que nous étions rivales, toi et moi. Comme ta main tremble, ma fille, tu ne peux pas défaire la grappe ? Vois, il suffisait de la toucher. Sauras-tu nouer mes cheveux pour la nuit ? Je serai, chère demoiselle. » Je ne te connaissais point cette vocation pour le couvent. Si messire Aubry, mon cousin, eût fait choix d'une autre fiancée, je crois que je serais entrée en religion, moi aussi. Messire Aubry ne peut t'aimer que vous, balbutia Jeannine. Parlait-il de moi quelquefois au manoir du Rose ? On parlait de vous chaque jour. Pendant toute cette soirée, dit Berthe, comme malgré elle, messire Olivier m'a empêchée de voir Aubry. Il y eut un silence. Jeannine nouait par derrière les longues tresses blondes de Mademoiselle de Morvert. Une voix harmonieuse, qui semblait voiler à dessein l'éclat de ses notes sonores, chanta un couplet sous le balcon. La main de Jeannine lâcha les tresses, qui ruisselèrent en flots d'or sur les épaules de Berthe. Celle-ci restait immobile, la bouche demi-close, l'oreille attentive. La voix disait « Connaissez-vous le cri du lion ? Aux vivants rosiers des lions vont éclore de fleurs nouvelles. Rose jumelle, le rosier appartient au lion, le vivant rosier des lions. Marguerite est blonde, elle est belle, charmante est la brune Isabelle. Vous connaissez le cri du lion, à la plus belle. » On dirait la voix de messire Olivier, murmura Berthe. Les accords de la harpe s'éloignèrent et moururent. Agnès, prononça la douairière avec sévérité, fenêtres éclairées à cette heure de nuit attirent les rimeurs vagabonds. Joueurs de rote, baladins errants, trouvères, traîneurs de mandolines, bardes, scalds, troubades et autres fainéants donnant sérénade au clair de la lune, ce qui est imprudence de gravité première. Veuillez vous mettre au lit, je vous prie. Que dirait-on en la ville de Dole si l'on savait que Berthe de Morvert, nièce de Dame Joseph de la Croix-Mauduit, reçoit pareille zobade ? La nuit qui vient, j'ordonnerai à mon écuyer de veiller en dehors des portes avec une arquebuse et mèche allumée, afin qu'il mette à châtiment les nocturnes rôdeurs. « Madame ma tante, répliqua Berthe, je suis en train de vous obéir. Donc, la bonne nuit, je vous souhaite, ma nièce. Madame ma tante, je vous souhaite la bonne nuit. » Elle entraîna Jeannine vers les lits, après avoir pris la lampe qu'elle cacha derrière les rideaux. « J'aime mon fiancé Aubry, » fit-elle avec une véhémence étrange. « En doutes-tu ? » Et sans lui laisser le temps de répondre, « J'ai la fièvre depuis ce soir, » ajouta-t-elle, « je me sens mal. » Jeannine la soutint dans ses bras. Berthe était brûlante et ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Avec l'aide de sa compagne, elle parvint à gravir les degrés de l'estrade. Le froid des draps la saisit. Jeannine entendit ses dents claquer. « Couche-toi, » dit Berthe en la repoussant. « Je souffre davantage quand tu es près de moi. Seigneur, mon Dieu, je vois son visage pâle au pied de mon lit. Est-ce toi ou moi qu'il regarde ? Éloigne-toi, éloigne-toi. Je veux voir si c'est toi ou si c'est moi. » Jeannine, effrayée mais docile, descendit les marches de l'estrade. « Que fais-tu là ? » s'écria Berthe en la voyant agenouillée au pied de l'autre lit. « Pries-tu pour moi ? Je prie pour vous, chère demoiselle, » répliqua doucement Jeannine. Berthe se mit sur son séant avec impétuosité. « Pourquoi pries-tu pour moi ? » s'écria-t-elle. « Est-ce que je fais déjà pitié ?»« Chère demoiselle, » dit la fillette en relevant la couverture du second lit, « ne parlez pas ainsi. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire envie. » « Envie, » répéta Berthe amèrement. Elle reprit avec la voix des fiévreux. « Cette lampe me blesse la vue, mais ne l'éteins pas, ma fille, oh, ne l'éteins pas. Qui sait ce que nous verrions dans les ténèbres ? Jeannine, ma compagne d'enfance, Jeannine, je comptais sur toi. Ce matin, j'ai bien vu que tu n'étais plus mon amie. Il y a une raison pour cela, car tu as bon cœur. Mais ce matin, l'ermite ne t'avait pas encore appelée noble dame. Étais-tu déjà ambitieuse avant cela ? Ambitieuse, ma fille, oh, va. Moi qui suis au-dessus de toi, selon le monde, je te céderai ma place avec joie. » Jeannine se taisait, respectueuse et triste. « Écoute, » reprit mademoiselle de Morvert, accoudée sur son lit, « si j'étais la fille de Jeannin l'écuyer, mon père m'aimerait. Mon père, messire Morin de Morvert, fut trompé dans son espoir au jour de ma naissance. Il attendait un fils, héritier du nom. Sa femme, ma pauvre mère adorée, ne lui donna qu'une fille. En venant au monde, j'ai condamné le nom de mes aïeux, car messire Hugh, le frère aîné de mon père, n'eut qu'une fille, qui est madame Reine, et dont Eustache le cadet est de religion. Mon père rejeta les langes sur mon berceau, il délaissa ma mère et ne m'a jamais aimée. Madame Reine me recueillit aux roses et m'éleva. Te souviens-tu, nous jouions ensemble tous les trois, Aubry, toi et moi, sur la grande pelouse qui est au-devant du manoir. En ce temps-là, mon désir était de t'avoir pour sœur et d'avoir Aubry pour frère. Quand je quittai le Rose pour venir à Dole, je compris que je n'étais pas sa sœur. Jeannine, Jeannine, il y a un homme qui m'a demandé ma main, et ce n'est pas Aubry. De quel homme parlez-vous, chère demoiselle ? Demanda Jeannine. Berthe de Morvert ne répondit pas. Elle avait les yeux fermés. La lumière tombait d'aplomb sur son beau front. Ses lèvres se froncèrent doucement, et sa bouche s'entr'ouvrit dans un sourire. Puis elle frissonna de tout son corps et rejeta sa tête en arrière. « Oh, » fit-elle, « viens ici, garde-moi. Il est là, dans la ruelle profonde. Viens, viens, Jeannine, mets-toi entre mon destin et moi. J'ai peur. » Elle tendait ses mains suppliantes. Jeannine monta les degrés de l'estrade et la reçut, défaillante, dans ses bras. Chapitre 6. Le réveil. La lampe éclairait maintenant deux têtes charmantes dont les boucles brunes et blondes se mêlaient. Berthe était plus calme depuis que Jeannine, agenouillée à son chevet, la gardait. À travers la porte, on entendait Dame Joseph de la Croix-Mauduit qui ronflait, d'importance première, pour mettre à profit les heures où l'astre du jour reposait lui-même au sein de l'onde. En ronflant, Dame Joseph avait un noble songe. Elle rêvait que dans l'allée bien droite et sans fin, un nombre incalculable de jeunes demoiselles s'alignaient. Dame Joseph, son vieux faucon au poing, flanqué de son vieil écuyer et de sa vieille suivante, escortée comme au jour de noces, la bouche en cœur et le bouquet de roses à la ceinture, se voyait passer dans les rangs des jeunes filles qui baissaient les yeux timidement. Elle s'entendait elle-même dire à chacune « Tenez-vous droite ». Elle se voyait apprendre à cette innombrable armée d'écolières la révérence de tierce dignité. Vous ne vous figurez pas combien c'était divertissant pour Dame Joseph. Après ces rêves enchanteurs, la chose triste, c'est qu'on s'éveille. Si Dame Joseph avait pu rêver toujours qu'elle apprenait l'art ingénieux des révérences à 100 000 petites demoiselles dans une belle avenue sablée, Dame Joseph eût été une douairière trop heureuse. Ces félicités n'appartiennent point à notre monde mortel. « Je vais te dire, ma fille, » murmurait Berthe en essayant de sourire, « j'ai ouï conter l'histoire de plusieurs à qui on avait jeté des sorts. J'irai faire une retraite au couvent de Combourg et je serai guérie de ces fièvres. Si tu savais, comme on le dit charitable, cet hiver, il a donné 3 000 écus tournois à la communauté pour les pauvres gens en souffrance. Mais que me fait tout cela ? En arrivant ce matin à l'hôtel du Déron, je ne pensais qu'à Aubry, mon fiancé, et un peu à toi, que l'ermite avait appelé noble dame. Ah, Jeannine, voilà que je suis comme autrefois. Je te dis, pourquoi n'es-tu pas ma sœur ? Je ne vous chérirai pas davantage, demoiselle, répliqua Jeannine, dont l'accent avait quelque chose de maternel. Elle contemplait Berthe avec une tendre sollicitude. Il y a des choses, reprit celle-ci, qu'on ne voudrait dire qu'à sa sœur. J'ai ouï conter encore dans mon enfance que celles qui sont bien aimées n'ont rien à craindre des sorts jetés, ni des maléfices. La foi de leur chevalier leur est comme une égide, contre laquelle se brise l'effort des méchants. Regarde-moi, Jeannine. Elle mit ses deux mains sur les épaules de la fillette, dont son regard perçant et inquiet sembla scruter la conscience. Tu n'as pas changé, toi, dit-elle. L'éclair de son regard qui m'a blessée a glissé sur toi. C'est donc que tu as l'égide. Jeannine baissa les yeux. C'est donc que tu es bien aimée, fit-elle d'un ton suppliant, et confiance en moi. L'amitié doit être aussi un talisman. Sois ma sœur pour me protéger. Je t'en prie, dis-moi le nom du fiancé qui t'aime et que tu aimes. Je connais tous les jeunes gens de Rose. Était-il de mon temps? L'ai-je vu? Jouait-il avec nous? De larmes tremblaient aux cils de Jeannine. Oh, fit Berthe avidement, que tu es heureuse. Tant mieux, tant mieux. Je suis contente. Tu me devineras. Tu comprendras que ma souffrance vient de mon incertitude. Le jour où Aubry franchement, loyalement, réclamera ma main et ma foi, je serai forte. Qu'il me regarde ce jour-là, l'homme aux prunelles ardentes, je me rirai de lui. Les deux larmes qui brillaient aux cils de Jeannine roulèrent le long de ses joues. « Qu'as-tu, ma belle petite ? » demanda Berthe. « Hélas, ma chère demoiselle, repartit Jeannine, je donnerai le meilleur de mon sang pour que messire Aubry vous défendît comme il le doit contre le malheur. Au couvent où je vais entrer ? » C'est vrai. Fit Berthe qui l'interrompit. « Embrasse-moi, je vais oublier que toi aussi tu es malheureuse. » Elle reprit avec une sorte d'enjouement, « Plus malheureuse que moi peut-être, car me voilà consolée et guérie rien que pour avoir parlé de celui qui sera mon protecteur ici-bas. C'est bien vrai, si messire Aubry voulait, je ne connaîtrais pas la tristesse. S'il avait voulu, j'aurais ri de cette fantastique devise qui m'a glacé le cœur. » Elle n'acheva pas et resta bouche béante. Jeannine, qui lui tenait la main, la sentit se glacer. Dans la position qu'elles occupaient toutes les deux, Jeannine tournait le dos aux croisées qui donnaient sur la cour intérieure de l'hôtel. Berthe, au contraire, les voyait par l'ouverture des rideaux. Jeannine aperçut comme une lueur qui passa dans la ruelle du lit. « Là, là !» fit Berthe, dont le doigt crispé montrait la fenêtre. « Là, regarde, là !» Jeannine se retourna vivement, il n'y avait plus de lueur. La fenêtre était noire derrière les sombres plis de sa draperie. Berthe laissa tomber sa tête sur l'oreiller. « J'ai vu, » murmura-t-elle. « J'ai bien vu. À moins que ma tête ne se perde déjà, j'ai vu sur les carreaux des lettres de feu mobiles et qui allaient se rapetissant pour briller sans cesse davantage. Elles ont brillé le temps de lire les mots de la devise à la plus belle. « Oh, » reprit-elle en pleurant, « cette fois personne ne l'a vu sinon moi. » Cette fois c'était pour moi, non point parce que je suis la plus belle, Jeannine, il n'y a point au monde de jeune fille plus belle que toi, mais parce que je suis la victime désignée. Je n'ai pas de bouclier, on ne m'aime pas, voilà mon malheur et ma condamnation. » Ses blanches mains voilèrent son visage inondé de larmes. Jeannine essayait de la consoler, elle perdait ses caresses. Jeannine ne savait pas au juste si c'était illusion ou réalité. Elle avait aperçu un reflet de cette lueur dont parlait sa compagne. Mais Jeannine se disait, calme dans sa tristesse résignée, « Les sorts jetés ne peuvent rien contre moi. » Je ne sais quel bonheur mélancolique et profond était au sein même de son sacrifice. Elle n'espérait point, mais on l'aimait. Elle avait parlé vrai. Elle eût donné sa vie pour que messire Aubry pût guérir la blessure de ce pauvre cœur qui battait là contre le sein. Mais on l'aimait. On l'aimait, elle allait vers Dieu d'un cœur léger, lui portant comme une belle offrande la pureté de ses larmes, les combats de son cœur, la résignation de son âme. « Voilà pourquoi je suis condamnée, » reprit Berthe, après un long silence et d'une voix plutôt faible. « Je sentais bien cela ce soir, pendant que Messire Olivier parlait. Mon premier émoi ne fut qu'un étonnement frivole. Je cherchais toujours les yeux d'Aubry pour y trouver le secours qu'il me doit. Les yeux d'Aubry fuyaient les miens. Son regard glissait sur toi, ma pauvre Jeannine, pour aller je ne sais où. Ne rougis pas. Derrière toi, il y avait sans doute quelques dames de la cour pour me voler la pensée de mon fiancé. Alors un désir m'a saisi. Forcer les regards d'Aubry à se fixer sur moi. Je suis timide, j'ai vaincu ma timidité. Ma voix s'est élevée quand les hommes eux-mêmes se taisaient et j'ai protesté pour l'honneur de la Bretagne contre les paroles insolentes de Messire Olivier. Madame Reine s'est élancée vers moi, mais Aubry ne m'a point regardée. Messire Olivier seul a changé de visage au son de ma voix. Celui-là n'est rien pour moi. Je ne l'aime pas. Je le déteste. J'en fais serment devant Dieu. Mais en l'écoutant, il me semblait entendre le chant harmonieux et perfide. Tu sais bien, Jeannine, qu'on peut mêler le poison au plus délicieux breuvage. J'aurais voulu ne pas entendre et j'écoutais. Je voyais à travers mes paupières closes. Je me cherchais moi-même et je trouvais en moi une autre créature. Me comprends-tu? Mon cœur implorait le cœur d'Aubry. Je demandais un regard, ne fût-ce qu'un regard de compassion. Hélas, je ne suis pas aimée. Personne ne me défendra contre mon malheur. Berthe laissa aller sa tête sur l'oreiller. À force de pleurer, les enfants s'endorment. Elle s'endormit. Jeannine éteignit la lampe. Les heures de la nuit passèrent. Les premières lueurs de l'aube éclairèrent le sommeil des deux jeunes filles, car Jeannine, agenouillée, avait aussi sa tête sur l'oreiller. L'œil indiscret, qui aurait pu se glisser en se réduit, avec les rayons du jour naissant, aurait certainement hésité à décerner la palme de beauté. Un ruban de moire, qui ne tranchait pas la question, pendait au ciel du lit, soutenant un écusson de brocart où se lisait la devise de l'homme de fer. « À la plus belle !» L'écusson se balançait entre la tête brune et la tête blonde. Sa frange écarlate frôlait tour à tour les cheveux de Jeannine et les cheveux de Berthe. Il y avait à l'hôtel du Déron une petite servante qui était un peu cousine du page Marcou de Saint-Laurent. Nous notons ce fait au hasard dans l'impossibilité où nous sommes d'expliquer autrement cette dernière diablerie. La petite chambrière du Déron couchait dans un cabinet voisin, en compagnie de la grosse Javotte, il est vrai. Mais il eût fallu les canons de Saint-Michel qui lançaient des boulets de pierre pour réveiller la grosse Javotte avant son heure. La petite chambrière avait eu ses coups d'effranche. Peut-être était-elle là, quelque part, guettant d'un regard espiègle le réveil des deux jeunes filles. Ce fut Berthe de Morvert qui ouvrit les yeux la première. La frange de l'écusson lui chatouillait le front. Un rayon de soleil faisait luire les lettres d'or de la devise. Berthe saisit l'écusson et l'arracha. Ses sourcils délicats se froncèrent tandis qu'elle regardait Jeannine, qui dormait, la tête appuyée sur son bras arrondi et le sourire aux lèvres. « Toujours entre elle et moi, » se dit Berthe, jalouse, avant d'être effrayée. Puis l'effroi vint. « Quelqu'un est entré ici, » pensa-t-elle. On entendit, dans la pièce voisine, Dame Joseph de la Croix Mauduit, qui avait sa quinte de toux du matin. À ce signal bien connu, tout s'agita dans la chambre à coucher de la douairière. Le faucon de grand âge secoua son chaperon et changea de pattes sur le perchoir. Les vieux chiens s'étirèrent et jappèrent comme c'était leur devoir. La vieille camériste se mit sur son séant et dit « Noble dame, que Dieu et la Vierge veillent sur vous durant cette journée. Ainsi soit-il. » « Noble dame, » prononça presque en même temps le vieil écuyer qui entr'ouvrit la porte, « que Dieu et la Vierge vous aient durant cette journée en leur digne garde. Amen. » « Merci, bête, mamie, » répondit Dame Joseph de la Croix Mauduit, comme elle le faisait régulièrement depuis un demi-siècle. « Donnez une caresse aux chiens, ce sont des animaux fidèles. L'histoire ancienne rapporte nombre de traits qui prouvent le dévouement intelligent dont ces animaux sont susceptibles. « Merci, maître Bibrel, vous apporterez la provente du faucon, c'est un noble oiseau. » Les Grecs ni les Romains ne connaissaient point sa valeur. La gloire du faucon est née avec la chevalerie. Je souhaite, bête mamie et vous, maître Bibrel, que vous passiez heureusement cette journée dans la crainte de Dieu et l'horreur du péché. Soyez prudents et discrets. On peut manquer de prudence et de discrétion à tout âge. fuyez la médisance, ne sortez jamais des bornes imposées par la sobriété. Que vos vêtements soient propres pour honorer la maison que vous servez. Si, comme on le dit, nous sommes admis à voir notre seigneur le duc François de Bretagne, souvenez-vous, bête, qu'il vous faut descendre vivement de cheval et faire la révérence de dignité première si régulièrement et de façon si honnête qu'on dise alentour « Voici une suivante qui connaît son cérémonial ». Eh, mais, sera-t-il répondu par les gens de bonne foi, je crois bien, c'est la suivante de la noble dame Joseph, douairière de la Croix-Mauduit. En la même occurrence, maître Bibrel, souvenez-vous qu'il vous faut fléchir les deux genoux et rendre hommage ou honneur de dignité première en telle façon décente et appropriée qu'il soit dit partout alentour « Jarny, voici un homme d'armes bien appris de tout point ». Eh, mais je crois bien, répliqueront aussitôt tous les gens qui s'y connaissent, pourvu qu'ils ne soient point prévenus par l'envie ou par la malice. Comment pourrait-il en être différemment? Cet homme d'armes, tel que vous le voyez, est l'écuyer de la noble dame de la Croix-Mauduit, sœur de feu M. Hugh de Morvert, qui suivait Gilles de Bretagne, et de messire Morin de Morvert, seigneur de Montfort et du Bosc, compagnon du riche duc, notre seigneur. Ayant ainsi parlé d'une voix lente et distincte, en branlant de la tête avec mesure, dame Joseph de la Croix-Mauduit eut sa seconde quinte de toux. Le faucon s'était rendormi, les chiens ronflaient de nouveau. Bête entr'ouvrit la croisée pour chasser l'odeur exhalée par la vieillesse de ces divers animaux, après quoi on commença la toilette de la douairière. Quand elle eut les pieds dans ses grandes mules, elle leva la voix de nouveau. « Ma nièce, dit-elle en se tournant vers la porte de Berthe, veuillez vous éveiller, je vous en prie. Chaque chose a son temps. L'astre du jour, en éclairant la terre, chasse devant soi le sommeil. À se lever matin, on gagne contentement et fraîche couleur. La paresse, qui est péché capital, éteint le feu des regards et bouffit les joues blêmies. De mon temps, ma nièce, ce n'étaient pas les vieilles gens qui éveillaient les jeunes filles. « Je vous obéis, madame, ma chère tante, » répondit à travers la porte la douce voix de Berthe. Jeannine ouvrait les yeux à ce moment. Berthe cacha précipitamment l'écusson sous l'oreiller. Jeannine jeta tout autour d'elle un regard plein d'étonnement et de regret. « Que cherches-tu, ma fille ? » demanda Berthe, dont le sourire avait une pointe de moquerie. « Ce que je cherche, » répéta Jeannine, « je rêvais. »« Il était là, n'est-ce pas ? » interrompit Berthe. Jeannine rougit et baissa les yeux. « J'en étais sûre, » s'écria mademoiselle de Morvert qui ne souriait plus. « Il n'y a donc que moi pour être seule et dédaignée. Il n'y a donc que moi pour souffrir. »« Chère demoiselle, » fit-elle doucement, « si la souffrance d'autrui peut vous consoler, soyez consolée. Je souffre. » Berthe regrettait déjà les paroles prononcées. « Embrasse-moi, ma fillette, » dit-elle, en essayant de prendre un air enjoué. « Ces nuits agitées me rendent folle. « Tu ne t'es pas éveillée depuis qu'il fait jour ?»« Non, » répondit Jeannine. « Tu n'as rien vu ?» insista Berthe, en regardant malgré elle le ruban de moire où ne pendait plus l'écusson. « Rien. Avez-vous vu quelque chose, chère demoiselle ?»« Moi, du tout. Mais écoute. » Elle sauta hors du lit. Un bruit de chevaux se faisait dans la cour intérieure. Berthe jeta sur ses épaules le manteau fourré du matin et courut à la fenêtre. « Viens, viens vite !» s'écria-t-elle, les voilà qui montent à cheval. Jeannine ne se pressait point, peut-être n'avait-elle pas envie de voir. Berthe l'appela une seconde fois avec impatience et d'un ton impérieux. Jeannine traversa la chambre à son tour. Au moment où elle arrivait auprès de la fenêtre, deux cavaliers se mettaient en selle sur de fringantes montures que les palefreniers tenaient encore par la bride. C'était cela qui avait occupé si longtemps la causerie des deux jeunes filles, messire Aubry et Olivier, baron d'Armois. « Pendant que tu tardais, dit Berthe, ils ont regardé tous deux de ce côté, mais sire Olivier seul a salué de la main. Elle tenait soulevé le coin du rideau, les palefreniers lâchaient la bride. Au moment de partir, les deux cavaliers se tournèrent une seconde fois vers la fenêtre, où la tête brune de Jeannine se montrait maintenant derrière la blonde tête de Berthe. Aubry, comme Olivier, envoya cette fois vers la croisée un salut avec un sourire. En se retournant, Berthe vit Jeannine qui se retenait, pour ne point choir, au montant de la croisée. Jeannine tremblait, le regard que Berthe darda sur elle descendit jusqu'au fond de son âme. Berthe frémit à son tour, il n'y eut pas une parole échangée. Elles retournèrent toutes deux vers l'alcôve. « Ma fille, dit Berthe après un long silence, tu avais donc raison de ne point m'avouer ton secret. C'est donc lui. Chère demoiselle, répliqua Jeannine, dont les yeux étaient maintenant sans larmes, je peux vous montrer mon cœur, car je le donne à Dieu chaque jour. Puissiez-vous être heureuse, moi je sais mon devoir. T'a-t-il jamais offert sa foi ? Demanda Berthe. J'ai quitté le manoir pour venir habiter avec ma grand-mère, répliqua Jeannine. Berthe se laissa tomber sur le pied de son lit. Et depuis lors ? Demanda-t-elle encore. Je vais quitter ma grand-mère pour rentrer au couvent, dit Jeannine. Berthe se couvrit le visage de ses mains et Jeannine s'agenouilla devant elle. Fin de la section 3.